actuelle dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castor, l'émission de Paul Sarrès, Le Progrès et la Vie. Rendez-vous à 5h. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Annie Douel. Aujourd'hui, 1967, première émission. Mais que fait la radio ? Depuis sa naissance, elle ouvre ses micros aux créateurs, aux intellectuels. Elle organise des jeux, elle retransmet des concerts, elle produit des dramatiques. Et que font les auditeurs ? Ils écoutent la radio, ce qui n'est plus à démontrer. Ils regardent aussi la télévision. Et l'on suppose qu'autour du poste de radio et devant celui de télévision, on commente. Il faudrait enregistrer ces commentaires sur nos émissions de radio, au risque de détruire notre ego, ou sur les programmes de télévision. Que fait la radio en cette année 1967 ? Elle enregistre les gens de la rue et les enfants dans les classes. Formidable, les enfants, à condition que le talent de l'intervieweur soit au rendez-vous, et c'est le cas. Les enfants parlent des chanteurs, comme tout le monde. Plusieurs décennies plus tard, c'est toujours savoureux. Ils parlent des chanteurs, ils parleront de la mini-jupe, des cheveux longs. D'autres enfants parleront de leur vie à Marguerite Duras. Étiez-vous Stones ou Beatles ? Le problème se posait également ainsi. Êtes-vous Mireille, Mathieu, ou Georgette, le maire ? Pour l'heure, puisque artificiellement nous avons décidé que 1967 était l'année des enfants, cette rétrospective commence par eux. En voici un, au micro d'une romancière, toute ravie de faire de la radio pour France Culture, on la comprend, Marguerite Duras. Extrait de « Comme il vous plaira », émission de Jacques Florent, diffusée sur France Culture le 2 avril 1967. Moi, je m'appelle François, j'ai 6 ans et demi, puis je m'appelle François Fort. Qu'est-ce qui est le meilleur dans la vie ? Le chocolat ou le petit beurre. Les avions aussi. J'en prends toujours un pour aller dans mon pays. Quel est-il ton pays ? C'est l'Argentine. Quand tu seras grand, les autos, elles marcheront comment ? Comment ? Elles vont voler ? Non, elles ne vont pas voler. Le grand vent qui passe dans les voitures et qui passe aussi dans notre peau. C'est très, très, un vent très glacial. Elle peut voler les voitures. Parce que c'est un vent très, très, très, très, très, très, très froid. Ah bon ? Ils volent beaucoup. Un vent terrible. Il n'y a que le vent qui peut soulever les voitures ? Ah non, il y a les crochets qui peuvent soulever les voitures. Et l'énergie atomique, t'en as entendu parler ? L'énergie atomique. Je ne sais pas si comment je sais que les hommes peuvent tirer. Il y a d'abord à la mitraillette, il y a la mitraillette d'abord, oui. Qui a un rouleau de pétard comme ça, puis on tire comme ça, puis après il y a le pistolet qui fait pan, le fusil qui fait aussi pan, et la bombe qui fait et puis après il n'y a plus rien, il n'y a que les grenades qui fait aussi, c'est tout. Pas autre chose. La poudre qui explose. Dis-moi, ça serait différent quand même, tu sais, les choses. Oui. Les maisons. Ah, les maisons. On ferme pourquoi les on fenêtres. Ferme les rideaux le soir? C'est pas beau la nuit? Ah, la nuit, c'est noir. Là, on voit rien. Alors, on va vite se coucher. Le jour de Noël, le 25 décembre, il faut se coucher. Pas minuit. Minuit, c'est le Père Noël qui vient. Il faut se coucher à 9h, peut-être. Ou à 8h. Alors, moi, je connais beaucoup de choses, mais je connais un oncle à moi. Alors, cet oncle, il chante beaucoup. En même temps, il a gagné beaucoup d'argent. Il a pu acheter un lit pour deux filles qu'il a, il y en a une qui s'appelle Charlotte, l'autre Marie. Un lit à étage, comme ça, à deux étages. Moi, j'ai demandé à maman si elle ou papa s'il peut m'en acheter, parce que papa, il peut gagner de l'argent en faisant ses tableaux qu'il fait là-bas dans son atelier. Qu'est-ce qui est le mieux, les grands ou les enfants? Les deux. Les enfants. Peut-être toutes les personnes du monde, de tous les pays. Quelle heure de la journée que tu préfères? Je préfère le soir parce que il y a des choses intéressantes à la télévision. Il y a Bonne nuit les petits, il y a Robin des Bois, il y a Le Saint, il y a Télétrappe, il y a Vient de paraître. Tout ça, c'est très très bien. Vient de paraître, c'est des chansons. Ah, et puis Télétrappe, c'est un jeu. Tu aimes l'école? Oui. Pourquoi il faut savoir lire? Parce que après on peut être journaliste ou étudiant. Et compter, ça sert à quoi plus tard? Ah, plus tard, ça sert à faire un compteur. À la fin, on est un compteur. Ça veut dire qu'on sait faire le contact. Pardon. Et chanter, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à avoir de l'argent. Même beaucoup d'argent, on peut avoir 1 million d'argent. Tout ce qu'on apprend, ça sert à quelque chose ou il y a des choses qui ne servent à rien du tout? Tout ce qu'on apprend, ça sert à quelque chose, oui, parce que si on fait de la gymnastique, après, on peut être équilibriste. On peut faire le trapèze, comme ça, on peut faire... Mais l'histoire de France, à quoi ça sert? Ah, là, ça sert à être gagnant et avoir un jouet. Et la géographie? La géographie, ça sert à... Après, à être géographiste. Alors, tu veux être chanteur, toi? Oui, et équilibriste. Dans la chambre bleue où j'ai grandi, des traits au mur marquent ma vie. Voici quelques propos définitifs d'enfants ou de pré-adolescents, entre 8 et 13 ans. Leur catégorisation, bon, mauvais, trop ou pas assez chevelu, peut s'enrichir du distinguo chanteur pour jeune et chanteur pour croulant, pour citer ce vocable qui fleure bon les années 60. Il pourrait dire aussi, ces enfants, plus respectueusement, chanteur pour parents. Les voici, au micro de Jean Thévenot, rencontré pour l'émission aux 80. Là, hier, on a entendu à la TSF que Jacques Dutronc, avec sa chanson « Les Cactus », je ne sais pas où il a été chercher ça, mais il a trouvé le moyen de dire que les grosses têtes, les gens qui avaient beaucoup d'argent, ils avaient la facilité à récupérer l'argent, mais pour la ressortir, ça avait piqué. Alors ça faisait comme si on mettait la main sur un cactus. Les chanteurs, maintenant, ce n'est pas surtout leur chanson ni la musique, c'est surtout le physique qui compte maintenant, surtout pour les filles. Bernière. Moi, je n'aime pas Jacques Dutronc parce que dans ses chansons, il a des mots vulgaires. Les enfants de Melun. J'aime pas tellement Jacques Dutronc. Avec ses cactus. C'est une chanson grossière. Quand il dit dans mon slip, il y a des cactus. Dans mon slip, il y a des cactus. Moi, j'aime bien Jacques Dutronc, car il a des chansons rythmées, et puis il est amusant. Puis je l'aime bien aussi parce qu'il est pas mal tourné, et ses chansons nous amusent et nous font comprendre des fois que dans la vie, il y a des difficultés, comme les cactus. Je l'appelle cannelle, parce que sa peau est sucrée. Si vous voulez savoir comment je le sais, c'est parce que je l'écoutais. Romilly. Il a l'air de Jeanne d'Arc avec ses cheveux courts. Mais il est mieux avec ses cheveux courts qu'avec ses cheveux longs. Avec ses cheveux courts, on ne l'appelle plus Antoine. Antoine, il a les grands cheveux. Puis maintenant, il a une moustache. Alors, il n'est pas beau. Ah non, il n'est pas beau. Même avec ses grands cheveux, il n'était pas beau. Tu préfères un garçon avec des cheveux courts? Oui, sauf que c'est mieux. Antoine, est-ce qu'il a changé son répertoire de chansons depuis qu'il s'est fait couper les cheveux? Il chante les chansons de tout le monde. Et avant? Il chantait les siennes. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Et depuis, qu'est-ce qu'il chante? Un coup, il a chanté une chanson de Georges Brassens, il l'a assassiné. C'était... Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui sent façon. Concarneau. On lui a taillé ses cheveux comme n'importe quoi, je trouve. Ça fait comme des petites montagnes sur sa tête. Ah bon? Antoine, c'est un homme qui est malin parce qu'il savait bien que ça n'allait pas durer, la chanson. Et puis, il savait un autre métier où il allait gagner de l'argent. Alors, il a coupé ses cheveux. Moi, j'aime pas Antoine et puis les Beatles parce qu'ils font des grimaces. Quand ils chantent, ils sont toujours à remuer la tête, les pieds, les mains. Et puis, alors, ça ressemble à rien. On dirait qu'ils sont en train de faire les clowns. C'est plus intéressant de regarder les clowns que les regarder. Petit cas marginal, mais non négligeable, Évariste, point de vue de Saint-Aubin d'Arquenay. Moi, j'aime Évariste. Je l'ai déjà entendu deux, trois fois à la télé. Je ne connais pas de chanson de lui, mais il se tortille un peu, mais tout le temps, mais ça fait rien. Et puis, il a tous ses cheveux qui sont tout rabattus sur la tête. Je l'aime bien, moi, parce que ceci sera, ça doit être un garçon instruit, je crois. J'ai entendu dire qu'il était instruit. C'est pas lui qui a chanté le calcul intégral, là. Oui. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. De quoi ça parle, cette chanson? Je m'en rappelle plus, il se tortillait tellement que j'en ai perdu la mémoire. Romilly sur scène. Évariste se permet de traiter Jacques Dutronc et Antoine d'un mot que je ne peux pas dire. Et de l'apport d'un mathématicien, ça ne me paraît pas très bien. Oui, mais dans sa chanson que j'ai entendue, il se traite aussi lui. C'est encore moins intelligent. Les grands sujets. En numéro 1, déjà effleuré, de ci, de là, les cheveux longs. Saint-Aubin. Il y a beaucoup d'Anglais qui ont les cheveux longs, comme les Beatles. C'est une vraie épidémie, les cheveux longs. Il y a des gens qui disent qu'on a les cheveux longs et qu'on a des puces. Les filles commencent à s'habiller comme les garçons, alors on va plus s'y retrouver. C'est ce que ma grand-mère disait, parce que mon frère, il avait une chemise en satin rouge. Ma grand-mère disait que les garçons s'habillent comme les filles s'habillent comme les garçons, parce qu'ils se mettent en pantalon. Mais ça va créer des inconvénients, parce que les curés vont prendre les messieurs pour les dames, et puis les dames pour les messieurs. Parce que pendant les mariages, ils vont dire « Madame un tel, monsieur un tel », et ils vont se tromper. À cette verre on trouve drôle quand on voit un garçon aux cheveux longs, forcément on n'est pas habitué. Moi, je trouve que les garçons ont droit, s'ils veulent, de se faire les cheveux longs, c'est un peu comme les mini-jupes. On fait ce qu'on veut, on n'a pas d'avis à demander à personne, si ça ne plaît pas aux gens, c'est pareil. Je crois bien que s'il n'y avait pas les parents, il n'y a plus d'un jeune qui... comme par exemple ton frère qui voudrait avoir les cheveux longs. Mais les parents sont pas toujours d'accord. Je sais pas, ils trouvent peut-être que ça fait voyou. 400 coups exceptionnels ce soir pour accueillir dans l'enceinte du village des 24 heures du Mans, Johnny Hallyday. Au fait, vous n'auriez pas vu mon cheval? Non? Bon, je veux dire que vous êtes très très très très nombreux dans l'enceinte de ce village du Mans ce soir. Vous êtes certainement, maintenant que je vous vois de très loin, vous êtes au moins 15 000, 20 000 même, 20 000 personnes venues ce soir pour assister pendant 1h30 jusqu'à 11h au récital de Johnny Hallyday. Vous pouvez alors vous étonner bien sûr de ma tenue, c'est pas habituellement l'uniforme que je porte. J'avais prévu de mettre un très beau smoking parce que c'est une soirée très bien, de très haute tenue. Et puis dans la poussière, dans le virage de Mulsanne, dans la ligne droite, mon smoking a été un petit peu abîmé. J'ai un ami pilote qui m'a dit, écoute, je vais te prêter moi une de mes combinaisons, ça ne risque rien. Et puis comme il y aura une foule énorme, prends le casque avec, comme ça tu seras tout à fait tranquille. Je vais vous demander d'être très très très très très sage, parce que là vous voyez, je suis remarquablement plus petit que Johnny Hallyday. Hein. Alors, lui, il fait ça à peu près. Or, déjà, moi, vous me voyez très bien. Alors, ça ne sert strictement à rien d'essayer de vous rapprocher le plus possible. Vous ne le verrez pas mieux. Vous allez gêner beaucoup les personnes qui sont devant et vous risquez même de les blesser gravement. Alors soyez gentils, ne vous pressez pas. Vous ne verrez pas mieux. D'accord ? Alors, pour faire sentir à nos amis de France Inter que vous êtes vraiment très, très, très, très nombreux, pour France Inter, pour les 400 coups et pour Johnny Linné, vous faites un grand hourra, d'accord ? Hip, hip, hip ! Ah, c'est bon ! C'est ça la crise des foules, c'est formidable. Bon, maintenant, moi, je m'en vais. J'ai terminé ma soirée, je vais aller voir les voitures, merci. Et, oui, vous pourriez même le faire pour moi, accompagné par les Blackbirds. Voici Johnny Linné ! Les coups, à quand ils vous arrivent, oh oui, soit ça fait mal. Les coups, à qui apprennent à vivre, oh oui, ouais ça fait mal. Avant de faire un homme, d'un tout petit enfant, il en faudra combien pour qu'il devienne un grand. Combien de fois à terre il lui faudra tomber et sans pleurer, apprendre à se relever. Il deviendra un homme petit à petit, en apprenant les dures leçons de la vie. Oh oui, les coups, quand ils vous arrivent, oh oui, moi ça fait mal. Les coups, à qui apprennent à vivre, oh oui, moi ça fait mal. Ah! France Culture en partenariat avec l'INA, les années 60, aujourd'hui 1967. De Johnny à Marguerite, il n'y a qu'un pas, il n'y a qu'un micro, avec quelques décibels en moins forcément. Marguerite Duras, vous avez parlé avec des enfants, mais c'est pas facile de parler avec des enfants. Comment vous y êtes-vous pris ? J'ai d'abord interrogé les gosses à l'école. Dans l'école, ça n'a rien donné. Pourquoi, c'était une mauvaise école ou c'était... Non, non, une très bonne école, c'est une école modèle. Mais les gosses étaient encore sous l'hypothèque, si on peut dire, de la scolarité. Ils avaient peur d'être mal notés. Ils avaient peur de dire des bêtises, de se tromper. Ils le disaient, oh, je me suis trompée, oh, j'ai dit une bêtise. Ils étaient toujours en classe. Oui, voilà. Alors je les ai pris chez moi, une fois, deux fois, trois fois. Il faut beaucoup de patience. Et j'ai vu arriver le moment, enfin, c'était très net, de rassurement total. Ils m'avaient oublié complètement. Je lançais une question, la question arrivait sur eux. Et ils ne savaient pas d'où elle venait. Ils en discutaient entre eux. Il faut s'effacer. Mais comment avez-vous eu l'idée, avant d'aller dans cette école et avant de faire venir les enfants chez vous, comment avez-vous eu l'idée de parler avec des enfants ? Pourquoi ? J'aime les enfants, beaucoup. Les fous, les enfants. Je crois que l'enfance est un âge à part, qui n'est pas l'âge qui précède l'âge adulte. C'est un âge à part, une sorte de préhistoire, fermée. Sans communication avec l'autre âge. Est-ce que vous avez déjà écrit pour des enfants ? J'ai écrit pour mon enfant, mais les choses qui ne sont pas publiées. Des contes. Il me demandait toujours des contes et toujours les mêmes contes. Alors pour être fidèle à l'histoire, je les notais. Je les écrivais afin de ne pas me tromper, parce qu'il ne me pardonnait pas de me tromper dans la narration. Ils sont très rigoureux, les gosses. Bien, continuons d'écouter les enfants. Comment tu vois l'avenir ? Triste, parce que moi je voudrais encore aller à l'école. Les petits vont à l'école et puis les grands ils y vont pas. Les enfants c'est gentil et puis les parents, des fois c'est gentil et des fois c'est méchant. Et c'est ceux qui n'aiment pas leur petite fille ou leur petit garçon. Qu'est-ce qui t'a rendu le plus triste ? La nuit. Qu'est-ce qui te rend joyeux ? De jouer et puis même d'aller me promener et puis même d'aller à l'école. À quoi tu rêves ? De ce qui existe. Qu'est-ce que tu préfères, Eric ? Les histoires qui sont vraies. Ceux qui sont belles m'intéressent, mais des autres. Et puis ceux qui m'intéressent pas, Je les aime pas. Qu'est-ce que tu appelles une histoire vraie? C'est d'être beau. Que ce soit beau, c'est une histoire. Comment elle est, la lune? Ronde. Et puis même des petits trous dessus. Et puis même des gros. Il n'y a pas d'oiseau pendant la nuit. Il dort dans leur nid. Il n'a même pas de chien. Il n'a même pas d'arbre. Est-ce que tu sais toujours la différence entre ce que tu as rêvé et ce que tu n'as pas rêvé? Puisque ce que j'ai pas rêvé, quand je bois mon bol de lait, j'y rêve. Qu'est-ce que c'est la mort? Qu'on vit plus. On n'est pas debout. On reste toujours par terre. Quel est ton animal préféré? La girafe et le phoque. Je les aime. Mais le lion et le tigre, je les aime pas. Et puis même le singe, mais pas le gorille, parce que le gorille, il nous mange. Alors je les aime pas, c'est trop bête. Et les adultes, qui sont de grands enfants, ne s'intéressent pas à eux ? Auditeur de France Culture en 1967, vous étiez peut-être également téléspectateur et je suis certain que vous aimiez retrouver cet aréopage de comique dans l'émission de Mariti et Gilbert Carpentier, Les Grands Enfants, présenté par Roger Pierre. Bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, bonjour messieurs dames. Bonsoir, messieurs dames. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Vous avez reconnu aisément Francis Blanc. Oh, mais qui ne le reconnaîtrait pas? C'est un de mes favoris. Oui, c'est un de vos favoris. Le délicieux Jean Poiret. Pourquoi cette restriction? Non, vous me dire. Il y a Cathy, la nurse des grands enfants. Oh. Oh, l'incorruptible Jacques Martin. Elle a la police. Oh. Elle a la police. Et c'est la police des nurses. Le sémillant Jean-Yann qu'on a reconnu. Quelle joie de voir. Il ne bouge pas. Et à côté de lui, qui y a-t-il? Sophie Desmarais. La grande femme. Sophie Desmarais. Dites donc, on se pose à la question l'autre jour, ça lui fait combien? Ça lui fait combien? Il y a un mois. La comtesse de Ségur a écrit Les Malheurs de Sophie. Et encore. Elle était en Stopchine à l'époque. Et bien alors, je vais vous dire, elle tient bien le coup. Et Jean-Marc Thibault. Jean-Marc Thibault et moi-même. Non, là-haut. Hé, mes enfants, vous oubliez. Vous oubliez le bisu. Jacques Charon. Dans la comédie française, on salue la comédie française. Pas intimidé. C'était prestige de la musique. Il y a les bisutages. Jeunes gens, on va commencer par un jeu très bête peut-être. Oui, un jeu très bête. Vaut mieux niveler par le bas. Non, c'est vrai, puis Charon, faut l'habituer tout de suite. Jean-Marc, tu expliques. Sophie n'entend pas bien, attention. Il parlait très fort. Alors, on joue à Marabout. À Marabout. Oui, elle a compris là. On va jouer à Marabout bout de ficelle. Ah oui, c'est un jeu oriental. C'est quoi? C'est un jeu très amusant. Jean-Marc va t'expliquer. Mais non, n'importe quoi. Elle n'entend pas bien, puis elle comprend encore moins bien. Jamais personne qui y répond. Gaston, y a le et l'on retrouve les enfants au micro de Jean Thévenoud pour l'émission Aux 80. En 1967, on demande leur avis. Pour notre plaisir, ça tombe bien, ils en ont un sur tout. Si par exemple, il y avait une nouvelle mode, par exemple, de se mettre tout nu, est-ce que vous la suivriez? Ouais, écoute, il y a quand même une... Il y a un point pour arrêter. Faut quand même pas que... Déjà, la mini-jupe, je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui suivraient cette mode. La piège, exagère quand même, parce que voir des grandes personnes toutes nues dans la rue, ce serait plutôt exagéré. Hein. Monsieur le maire, si on arrivait avec les cheveux longs à l'école, des filles en mini-jupe, que direz-vous? Ça, je sais pas. Si t'as les cheveux propres, je pense que je te laisserai rentrer. Si t'as les cheveux sales, tu repartirais très vite te les faire laver. La mini-jupe, etc., et l'on constatera que ce « etc. » est lourd de sens. La parole à Bernière, maintenant. Moi, j'ai à dire un avis, c'est sur Françoise Hardy. Maintenant, c'est des robes courtes, alors elle, on lui voit presque ses cuisses. Alors, je trouve que c'est pas bien la mode, maintenant. Pourquoi? Parce que on voit presque toujours les cuisses, et puis après, ce sera tout. Le point de vue des enfants de Romilly, maintenant. C'est pas tellement beau. Tu trouves? On voit tout à travers, les voix. Pour les gars de 19 ans, c'est beau. Et pour toi? Enfin... Bon, je trouve pas ça mal, moi. Et les bas à grillage, là? Oh, bah alors, là, c'est pas beau, hein. Moi, je crois en prison. C'est des fils à saucisson qu'ils ont mis sur les gens. Bernière? Je n'aime pas celles qui portent les mini-jupes, parce que moi, à mon avis, les mini-jupes, c'est pour se faire remarquer. Moi, j'aime bien les mini-jupes parce que je trouve ça très bien, puis c'est plus pratique que les robes longues. Les robes longues, c'est gênant, les mini-jupes, c'est très bien, j'aime bien ça. Pourquoi est-ce que c'est pratique, d'après toi? Parce que c'est court. Et alors? Ben, c'est plus pratique, je préfère ça. Et d'après toi, est-ce que ça va à tout le monde? Non, ça va pas à tout le monde, bien sûr. Par exemple, les dames âgées peuvent pas en porter, bien sûr. Il y a que les demoiselles de 20 à 25 ans à peu près peuvent en porter. Quel autre avis sur les mini-jupes? Il y en a, ils portent des mini-jupes, mais ça leur va pas parce qu'ils ont pas de beaux genoux. Ah. Ils ont des genoux trop gros ou alors trop minces. Et toi, Chantal? Parce que il y en a qui ne leur vont pas parce qu'ils ont les cuisses beaucoup trop grosses. Parce qu'elles ont les cuisses beaucoup trop grosses, et alors ça va pas très bien. Donc il faut être élégant pour porter la mini-jupe. Bien sûr. Bien sûr, oui. Alors toi, est-ce que tu vas porter une mini-jupe? Non. J'aimerais mieux des smokings. Moi, je suis trop maigre. Trop mine. J'ai trop maigre. Ah, mais tu parlais de grosses cuisses tout de suite. Ah oui, mais ça va pas non plus à celles qui sont trop maigres. Et maintenant, l'avis des enfants de Saint-Aubin. Et trouvez-vous que les mini-jupes ont raccourci? Une mini-jupe, c'est toujours une mini-jupe, hein. C'est toujours à peu près la même longueur, ils peuvent pas toujours monter. Hein. Ah, c'est juste... Ils peuvent pas monter jusqu'à un certain point, parce que sinon... Et pourquoi qu'ils peuvent pas monter? Parce que sinon, ils auraient plus rien sur les cuisses. Est-ce qu'il y en a qui trouvent que les mini-jupes, c'est bien? Moi, je trouve que la mini-jupe, ça ne prend pas. Ça prend pas comme la robe au-dessus du genou, comme ça. Oh, si, ça commence à prendre. De plus en plus de chanteuses, ils commencent à porter les mini-jupes, et puis les jeunes, comme ils veulent s'habiller comme les chanteuses, ben, elles vont en porter aussi. C'est bien, les mini-jupes, c'est bien pour les jeunes filles qui ont de belles jambes, mais ceux qui n'en ont pas, là, comme les grosses mamères, s'ils n'en ont pas, ben, ça leur donne rien de se mettre en mini-jupes. Moi, j'aime bien les mini-jupes, mais je trouve qu'il faut avoir un certain âge pour en porter. Pour porter une mini-jupe, moi, je trouve qu'on doit avoir 16 ans, 18 ans, mais les dames qui ont 41 ans et qui entrent dans les magasins pour en acheter, eh bien, je trouve que c'est horrible. Je trouve qu'il n'y a pas d'âge pour porter les mini-jupes. S'ils se font moquer d'eux, c'est tant pis pour eux, ils doivent bien savoir ce qu'ils ont à faire. J'ai comme François leur dit, c'est les mini-jupes, de toute façon, c'est bien, mais elle est un peu trop grande. Il faut être de petite taille. Mais si j'étais président de la République, ben je les interdirais jusqu'à à partir d'un certain âge. Mais pourquoi tu les interdirais? C'est la mode, ben, pas besoin de les interdire.

Pour alimenter l'incendie, des hunters de la Royal Air Force ne cessent de verser de l'essence sur l'épave et de répandre du napalm tout autour dans un rayon de plusieurs kilomètres. L'avant du pétrolier flotte encore, les bombardiers reviendront sans doute à la charge dans la soirée. Ce sont des bi-réacteurs d'assaut, des Buccaneers de la Royal Air Force, qui ont bombardé le Torrey Canyon. Deux bombes de 450 kg ont suffi à le faire exploser. Mais encore une fois, le problème maintenant est d'alimenter cet incendie, car le pétrole s'écoule toujours des réservoirs et la tempête le pousse vers l'ouest. Ce bombardement a été accueilli avec d'autant plus de soulagement que cette solution était préconisée depuis 8 jours par quantité de spécialistes. Déjà, des questions posées par le parti de l'opposition expriment l'impatience et l'indignation de l'opinion. Si un pétrolier britannique s'était échoué au large de New York, le président Johnson aurait-il attendu 10 jours pour le bombarder ? Voilà la question qui a été posée tout à l'heure par un député conservateur de Cornouailles. Cette question sera reposée la semaine prochaine à M. Wilson, dès la rentrée du Parlement. Le Premier ministre, en vacances aux îles Scilly, à la pointe de la Cornouailles, n'était qu'à 25 km du bombardement. Il a suivi l'opération de bout en bout et il avancera sans doute son retour à Londres, car si la carrière du Torrey Canyon est terminée, la bataille des plages, elle, ne fait que commencer. Il faudra des mois, sinon des années, pour effacer les traces de cette catastrophe nationale. Des années sûrement pour en dédommager les innombrables victimes, ce qui suppose qu'auparavant on y voit plus clair dans le dédale de complications financières et juridiques entraînées par l'accident du Torrey Canyon. Mais dans l'immédiat, on espère encore limiter les dégâts en mettant le feu au pétrole répandu sur la mer. Des essais pratiqués sur une petite échelle avec des bombes de phosphore ont échoué. La nappe de mazout, dans les endroits où elle est plus épaisse, prendra peut-être feu plus facilement. Mais on peut craindre que cela ne soit trop tard, et c'est pourquoi on peut dire que le bombardement du Torrey Canyon est venu plus qu'à son heure. Cela fait tout de même 60 000 tonnes de pétrole en moins pour les plages de Cornouailles. Dans la réalité, réfugions-nous dans le jeu, un jeu à la télévision. Vous allez pouvoir concourir, 40 ans après les candidats et sans récompense. Le jeu, c'est Monsieur Cinéma. Un extrait de film était montré aux candidats et cet extrait que de toute façon vous auriez eu du mal à voir à la radio, vous n'allez même pas l'entendre. Il faut bien compliquer les règles du jeu. Mais Pierre Tchernia a une voix douce et vous êtes très cinéphile. Eh bien messieurs, je voudrais d'abord tirer au sort. S'il vous plaît, Monsieur Vincenot, nouvelle arrivée, pile ou face ? Pile. C'est pile, c'est vous donc qui commencerez. Monsieur Vassonos, vous venez de voir, monsieur Sada aussi, un extrait de Voyage à deux, un tout nouveau film, Two for the Road. Voyage à deux est un film qui raconte les aventures burlesques d'un jeune couple d'anglais en promenade à travers la campagne de France. Eh bien, monsieur Vassonos, pourriez-vous me répondre ? Je vous rappelle la règle du jeu, monsieur Vassonos, je ne vous demande pas de me répondre maintenant. Vous me dites simplement oui ou non, je peux y répondre. Pourriez-vous me dire, tout d'abord, le nom de la comédienne qui donne la réplique à Albert Finet dans cette scène? Oui. Très bien. Monsieur Saada, pourriez-vous, en plus de cette première réponse, me dire le nom du metteur en scène de ce film? Oui. Très bien. Monsieur Vincenot, pourriez-vous me dire en plus le titre du film réalisé par ce même metteur en scène et qui réunissait Cary Grant et la comédienne que nous venons de voir, film réalisé en 1963? Oui. Très bien. Parfait, parfait. Monsieur Saada, pourriez-vous en plus me dire le titre du film toujours réalisé par ce même metteur en scène que vous connaissez et où notre comédienne avait Fred Astaire comme partenaire? Oui. Très bien. Monsieur Vincenot, cinquième question. Pourriez-vous me donner le nom du réalisateur qui a donné à cette comédienne dont nous parlons, à Gary Cooper, Maurice et Chevalier, qui a donné à cette comédienne, pardonnez-moi, Gary Cooper et Maurice Chevalier pour partenaire dans un même film? Oui. Oui, c'est parfait. Monsieur Saada, pourriez-vous en plus me dire le titre du film, remake d'un film de Julien Duvivier et d'Henri Janson, dans lequel a tourné cette comédienne? Non. Non, vous ne pourriez pas. Est-ce que vous pourriez le dire, vous, M. Vincenot? Non. Non plus. Alors donc, M. Vincenot, c'est vous qui allez répondre aux 5 premières questions. Votre contrat porte sur 5 questions. Le nom de cette comédienne? Audrey Byrne. C'est cela. Le nom du metteur en scène de ce film, Voyage à deux? Stanley Donen. C'est très bien. Le titre du film réalisé par ce même metteur en scène, Stanley Donen, et qui réunissait Cary Grant et Audrey Hepburn en 1963? Charade. C'est parfait. Le titre du film, toujours réalisé par Stanley Donen, et où notre comédienne avait Fred Astaire pour partenaire? Drôle de frimousse. C'est cela, Funny Face. Enfin, le nom du réalisateur qui a donné à cette comédienne Gary Cooper et Maurice Chevalier pour partenaire dans un même film, réfléchissez bien. Billy Wilder. C'est cela. Dans quel film? vous ne savez pas. J'ai dit non. Ça n'a pas d'importance, c'est le nom du réalisateur que je demandais. J'ai oublié le titre. C'est Ariane. Ah oui. En anglais, Love in Afternoon. Mais je vous demandais le nom du réalisateur. Eh bien, c'est parfait, monsieur Vassonneau. Voici 5 points qui s'inscrivent à votre compte. Et je suis persuadé que monsieur Saada, maintenant, va reprendre les billes en main et va marquer lui aussi 5 points aux prochaines questions. Voilà l'extrait du film suivant. Et non, vous ne l'aurez pas cet extrait. Après le jeu télévisé pour cinéphiles, l'émission de radio pour les mêmes cinéphiles ou d'autres cinéphiles. Une émission souvent entendue dans cette série consacrée aux années 60. En voici un extrait qui date du 18 février 1967. François-Régis Bastide et Michel Polac reçoivent Jean-Luc Godard. Le Godard de 1967, à savoir, si, si, le Godard d'avant 1968. Voici Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard, vous avez très nettement maintenant, en tout cas depuis un an ou deux, des positions, enfin, un intérêt pour la politique, un intérêt pour la marche du monde, et ce n'était pas très flagrant dans vos premiers films. Enfin, j'ai l'impression que vous avez été, vous l'avez d'ailleurs dit vous-même, je crois, dans une interview, pendant longtemps, un jeune bourgeois plus préoccupé de son propre itinéraire, de son propre problème d'être là au monde, que de la marche de ce monde. Ah oui, mais ça c'est évident. Enfin, c'est quelque chose que je cite énormément en ce moment parce que c'est une découverte que j'ai faite il y a 2 ou 3 mois en écoutant un interview de Sartre. Je m'excuse de le redire si des gens de vous l'ont déjà entendu. Sartre disait dans cette interview, j'ai découvert le colonialisme à 15 ans et en l'écoutant, moi je me suis aperçu que je l'avais découvert à 34 ans. Ça vient simplement d'une chose. En analysant quelle a été ma vie, je me suis aperçu que c'est simplement parce que pendant 14 ans, j'ai fait du cinéma et j'ai essayé, en plus j'étais d'une formation tout à fait bourgeoise, pire même protestante, c'est le cinéma qui m'a fait découvrir la vie, mais ça d'une dizaine d'années pour arriver. Et encore, moi, parce que j'ai fait une dizaine de films, beaucoup de mes camarades n'ont pas eu la chance, comme moi, de pouvoir faire... des films autant que moi, c'est-à-dire qu'ils ont été vraiment bloqués dans leur expansion, si on peut dire. Je pense que le cinéma, au contraire, coupe de la... On dit que c'est un art de masse, mais pour ceux qui le font, c'est quelque chose qui, dès le départ, coupe de la masse complètement. Et au contraire, ensuite, il y a un énorme travail. Alors si en plus on vit en France et dans un milieu parisien qui sont des milieux super structurés d'une certaine façon, c'est d'autant plus difficile de s'en dégager. L'art n'est pas fait, enfin, disons le cinéma, puisque moi je fais du cinéma, je ne pense pas que quand on fait un film sur quelque chose... on va changer quoi que ce soit immédiatement. Si on fait un film sur la grève en ce moment des ouvriers d'assaut à Bordeaux, à la projection du film, leur salaire ne sera pas augmenté. Or, c'est ça qu'on nous demande. On ne peut pas. Oui, on ne peut pas. On peut essayer d'exprimer clairement la situation, le plus clairement possible, pour que les gens aient envie vraiment d'augmenter les salaires. Mais on ne peut pas, un film, c'est une projection photographique à plat sur un écran, et même quand il sera en relief, ça ne changera pas grand-chose. Goya a fait les horreurs de la guerre, il n'a pas arrêté la guerre d'Espagne. Guernica n'a pas arrêté la guerre d'Espagne, il était un cri qui a fait prendre conscience à des gens de la guerre d'Espagne. Voilà, on demande dans la salle qu'est-ce que c'est que la chinoise. Je crois qu'avant de nous séparer, il faudrait même savoir... C'est le titre de mon prochain film. Oui. Et je crois savoir que la chinoise, c'est une étudiante du quartier latin qui a des idées marxistes-léninistes avancées, puisqu'elle est pro-maoïste. Non, c'est l'histoire d'un petit groupe qui hésite entre Marx selon Moscou et Marx selon Pékin et qui choisit Marx selon Pékin. Mais est-ce que ça correspond pour vous, enfin ça vous paraît être un groupe significatif et représentatif de la France d'aujourd'hui ? Non, c'est un groupe significatif de son propre groupe. Je n'irai pas plus loin que ça. Parce qu'enfin, le mouvement pro-chinois en France ne correspond pas grand-chose aux réalités de la France d'aujourd'hui. Enfin, il serait difficile de faire une révolution à la chinoise en France. Je crois chez les étudiants, au contraire, c'est pour ça que ça se passe en milieu étudiant. Chez les étudiants, le mouvement, par exemple, marxiste-léniniste est beaucoup plus important que le mouvement orthodoxe de Moscou. Oui, parce que c'est un mouvement beaucoup plus ouvert, plus d'après vivant. Ce que j'ai vu, plus vivant et plus sérieux et moins dogmatique. Bon, alors nous allons remercier Jean-Luc Godard. Merci. Et nous espérons le voir après la chinoise. Et deux, trois choses sur Godard. Jean-Luc Godard évoquait son film pré-68, La Chinoise. La Chinoise, qui est donc sortie en 1967, et pas au Festival de Cannes. Le Festival de Cannes fut un festival de starlettes au début des années 60 et devenait un festival de journalistes en fin des mêmes années 60. Ce n'est pas nous qui l'affirmons, mais la responsable du service de presse en 1967 toujours. Vous allez l'entendre, elle qui pouvait ainsi, 15 jours par an, faire de la sociologie qui, d'année en année, progressait en relations diplomatiques. Christiane Rochefort, également écrivain, au micro de France Culture en avril 1967. Christiane Rochefort, vous dirigez le service de presse du Festival de Cannes et vous avez à cette occasion à vous occuper de 700 ou 800 journalistes. J'imagine que ça doit vous poser des problèmes assez difficiles. Ça pose des problèmes difficiles et différents, de toute espèce d'ordre. Il y a des problèmes d'invitation, il y a des problèmes de place dans la salle, il y a des problèmes d'information, c'est ce que j'aime bien. Les problèmes administratifs, ça c'est autre chose. Quand je vous parlais tout à l'heure de problèmes, je pensais surtout à l'augmentation sans cesse des journalistes. Enfin, il y a 10 ans, il y en avait 3 fois moins. Oui, quand nous avons commencé, je dois dire que presque toute la presse mondiale était bloquée sur des correspondants à Paris. Chaque correspondant avait une bonne quinzaine de journaux et travaillait comme un nègre au Festival de Cannes. Puis après, ils ont pris l'habitude d'envoyer des gens spécialement chaque journal. Alors il y a eu une augmentation subite avec l'ouverture des frontières, l'habitude que les gens ont prise de voyager. Maintenant, c'est devenu tellement facile. En outre, des pays de l'Est maintenant commencent à sortir. Alors ça fait une augmentation considérable. Je dois dire que il y a eu un moment où tout d'un coup, la presse s'est précipitée sur Cannes. Ça a réussi. La promotion a réussi un moment. Alors maintenant, ils veulent venir là. Et puis il y a aussi un afflux de la télévision qui n'existait pas aussi massif il y a 10 ou 15 ans. Parce qu'il n'existait pas du tout. Qui n'existait pas du tout, c'était représenté par un observateur qui ne télévisait pas encore, qui n'avait pas de caméra, ou des choses comme ça. Maintenant, on arrive à avoir l'équipe de la télévision française, 19 personnes. Les équipes de beaucoup de pays commencent à venir, elles viennent toujours à 5. Alors, évidemment, ça fait des régimes très délicats à établir. Parmi tous les journalistes que vous avez, est-ce qu'il y a un continent, par exemple, qui semble le plus intéressé par Cannes? Est-ce que vous avez une prédominance d'Américains du Nord et du Sud, de pays de l'Est, de l'Asie, de l'Afrique? C'est assez panaché, je dois dire. Évidemment, on a une prédominance européenne parce que c'est plus près. Mais c'est simplement parce que c'est plus près. Puis les journaux ici sont assez agités. Enfin, il y en a beaucoup. Il y a une pléthore de journaux. On a eu assez peu d'Anglais jusqu'à un certain moment et les Anglais commencent à venir. Et les Américains commencent à venir en nombre assez considérable. Mais on n'a pas encore une représentation très massive de l'Amérique du Sud. C'est difficile pour eux de bouger. Ni de l'Asie, à part le Japon. Vous avez, je crois, aussi des représentants de pays tout à fait inattendus. Je ne sais pas, enfin, Kamchatka ou le Groenland. On a fait une liste de pays au départ qui les comportaient tous, on les attendait tous. Non, ça, c'est pas inattendu du tout, tout ça. Non, enfin, quand je dis inattendu, je veux dire pour l'Islande. Le public. L'Islande, par exemple, il y a des journalistes. Non, on n'a pas eu l'Islande encore, oui. Vous n'avez prévu, pas. C'est prévu, on les attend. Mais de pays, enfin, dont on pourrait penser qu'ils ne s'intéressent pas tellement au Festival de Cannes, d'une part, et au cinéma aussi. Oh, qui c'est qui ne s'intéresse pas au cinéma en ce moment? Vraiment, tout le monde s'y intéresse. Il n'y a personne, je crois, qui nous manque. S'ils ne viennent pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Mais vraiment, je n'ai pas d'exception. Hein. La Chine, on a eu des journées chinois une année. Mais là, c'est qu'ils ont des choses à faire, ils sont très occupés. Quoi? S'ils pouvaient, ils viendraient. Oui, des pays comme l'Indonésie, l'Afrique du Sud. Oui, ça, l'Indonésie, on n'a pas été gâtés jusqu'à présent. Mais il faut dire que ces gens sont dans des crises. Ils ne peuvent pas encore s'intéresser aux choses culturelles si lointaines. Est-ce que vous avez des représentants des jeunes républiques africaines noires? C'est arrivé. C'est assez sporadique, d'ailleurs, je dois dire. C'est tantôt une, tantôt l'autre. Tantôt, c'est le Sénégal qui bouge, tantôt, c'est le Mali, tantôt, fois, c'est... Bon, on a eu une fois l'Afrique du Sud, mais ça n'a pas fait long feu. Elle n'était pas du tout satisfaite de nous. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont assez difficiles, ces gens-là, je crois. Ils ont de mauvaises habitudes, peut-être, chez eux. Vous allez peut-être voir tout de même pas mal de journalistes africains, puisque nous avons maintenant un membre du jury qui est sénégalais. Ben oui, j'espère bien. Normalement, il n'y a pas eu encore énormément, mais ils n'ont pas tellement de journaux, hein, vous savez. Oui. Ils n'ont pas tellement de journaux, ils ont quelques magazines. Et puis, il y a Jeune Afrique qui est publié ici, il y a Dimbo. J'espère qu'il y aura des journaux de Tunisie et d'Algérie, puisque nous avons un juré de court-métrage qui est tunisien et un film algérien. Alors là, ça va quand même... Les intéresser encore plus. Les attirer, oui. Christiane Rochefort, il y a déjà longtemps que vous vous occupez du service de presse du Festival de Cannes, mais entre-temps, il s'est passé un événement important dans votre vie, c'est que vous êtes devenu un écrivain célèbre. Le Repos du Guerrier vous a fait connaître de la France entière et même du monde, on peut dire. Et néanmoins, vous avez conservé votre poste au Festival de Cannes, malgré cette célébrité. Oui, je dois dire, j'ai travaillé tout de même un peu moins longtemps, ayant moins besoin de gagner ma vie. J'ai travaillé 3 mois au lieu de travailler 5 mois. C'est la seule différence. À part ça, il faut croire que je déteste pas faire ça. J'aime bien le cinéma, j'aime bien me taper 3 films par jour quand je peux. J'aime bien des crises de cinéma et puis j'aime bien des crises de vie sociale. Et puis c'était assez amusant, je dois dire, au début. Aussi. Est-ce que vous pensez que dans l'atmosphère du Festival de Cannes, vous y trouverez la source d'inspiration d'un roman ? Non, pas du tout. Je n'ai jamais trouvé et je ne pense pas que je vais la trouver. D'abord, les sources sont tout à fait mystérieuses. On ne sait pas d'où elles vous viennent. Mais ça m'étonnerait qu'elle me vienne d'une chose aussi anecdotique. C'est autrement que ça se passe. Ce festival fait une expérience, quasiment une expérience spirituelle. Le contact avec des milliers de personnes à la fois pendant 15 jours fait une expérience mentale. Il n'y a rien à faire et ça, c'est pas inintéressant. Évidemment, c'est pas très positif toujours parce qu'on a l'expérience de choses un peu négatives. Des comportements des gens ne sont pas toujours agréables à voir. Ça, il faut les encaisser. Alors, on apprend à les encaisser, on apprend à les constater, à les accepter. On fait ça un peu en philosophe, je dois dire. On se promène quelquefois dans ce Carlton en regardant et en pensant, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très concentré, là, sociologiquement. Et je dois dire que pour des études sociologiques, ça, oui, ça me sert. Pour des romans, j'en sais rien, mais pour des études sociologiques, c'est extrêmement intéressant. Ça, c'est passionnant. Alors, je regarde ça comme un entomologiste. Ça, évidemment, ils ne le savent pas, c'est embêtant, ce que je dis là. Mais c'est un fait, ils doivent bien s'en douter, non ? France Culture, en partenariat avec l'INA, les années 60, aujourd'hui 1967. Élise ou la vraie vie ? Roman publié chez De Noël, bientôt prix Femina 1967, puis plus tard adapté au cinéma. Jean-Luc Godard parlait d'étudiants, évoquant révolution et classe ouvrière. Claire Etcherelli, elle, auteure du roman Élise ou la vraie vie, écrivait sur la classe ouvrière de l'intérieur. J'ai travaillé en usine pendant 2 ans, une première fois 17 mois, une deuxième fois 7 mois. J'ai donc ressenti, moi aussi, la difficulté qu'il y a à essayer de changer de condition. Et cette difficulté tient d'abord à des faits matériels, le manque de temps pour s'orienter vers autre chose, la méfiance des employeurs à engager quelqu'un qui sort d'une usine, et aussi à cette sorte de complexe qu'ont les ouvriers, cette conscience qu'ils ont d'appartenir à une frange de la société qui est tout à fait coupée du reste. Et ils acceptent cela. Ils le subissent très passivement. Quelquefois, certains peuvent en être révoltés, mais dans l'ensemble, ils sont résignés. Même à l'intérieur du monde ouvrier, il y a des classes. Et je pense que, en effet, un ouvrier qui vit en plus dans un bidonville, c'est presque toujours un ouvrier non spécialisé, c'est-à-dire un manœuvre. Donc déjà, il appartient à la classe la plus défavorisée du monde ouvrier. Pour se reclasser, s'il a quitté son travail pour une raison ou pour une autre, parce qu'il a été licencié ou parce qu'il n'a pas pu faire ce qu'on lui demandait, il doit être très difficile pour lui de retrouver autre chose en venant d'un bidonville, en venant d'un de ces lieux où l'on n'a pas vraiment d'adresse et où on n'appartient pas à la société organisée. D'autant plus que la plupart de ces ouvriers employés comme manœuvres sont actuellement presque toujours des ouvriers étrangers. Alors ils se mêlent à ce sentiment une xénophobie, un racisme qui ne sont pas faits pour régler le problème et pour rendre la compréhension plus grande. Plus grande. Et dans votre livre, il y a une rencontre, 1957, entre un Algérien et une Française. Et vous exposez cette rencontre, cet amour, cette entente, et aussi ce à quoi ils vont se buter durant toute la période que durera cet amour, même simplement dans une promenade, lorsqu'ils entrent dans un café. Oui, bien sûr, ça a été une période particulièrement pénible, parce que les sentiments de racisme avaient atteint, je crois, leur aigu à ce moment-là. Le fait d'être en guerre poussait aussi les gens qui étaient ici chez eux, c'est-à-dire les Français, à se méfier de tout ce qui était arabe. Donc, pour les personnages dans le roman, il s'agit d'une période critique, et particulièrement pour le personnage féminin, parce que l'Algérien, lui, accepte la situation. Pour lui, elle est inévitable. Il est presque normal que les policiers fassent leur travail de policier, que les Français soient racistes. Il n'a pas connu autre chose. Mais pour cette jeune femme française qui est arrivée à Paris pleine d'illusions et qui, croyant se trouver en symbiose avec ses camarades ouvriers et rentrer en usine presque avec une sorte de joie, bien qu'elle y soit poussée par des besoins matériels. Alors, pour elle, ce sera un choc, ce sera comme un chagrin d'amour, presque une déception qu'elle ressent quand elle se rend compte de l'hostilité des gens qui l'entourent, et en particulier de l'hostilité des petites gens. Est-ce que les femmes revendiquent parfois, et on parle beaucoup du travail à temps partiel, est-ce que vous ne pensez pas que c'est très dangereux? Je pense en effet que ça n'est pas la solution. Il me semble qu'à partir du moment où les femmes seront employées à mi-temps, elles seront confinées dans des emplois déjà subalternes. Elles seront non pas des privilégiées, mais au contraire, elles seront des suppléantes. Donc déjà, on en profitera, ce sera une raison de différencier leur salaire de celui des hommes et surtout leur qualification. Ce qui existe déjà. Ce qui existe déjà. Mais je pense que si on prévoit le travail des femmes en mi-temps, ce sera encore accentué et ça ne réglera pas du tout le problème. C'était les années 60, aujourd'hui 1967, première émission. Document INA, Véronique Jolivet, Amélie Briand-Lejeune, Hervé Evano. Mixage Claire Levasseur, réalisation Annie Douel, une émission de Philippe Garbi. À suivre, et d'ici là à télécharger, ainsi que les précédentes de la série, sur le site franceculture.fr, à la rubrique de l'émission.